les prés fleurissent, fleurissent. Colchique dans les prés, c'est la fin de l'été. La feuille d'automne, emportée par le vent, en onde monotone, tombe en tourbillonnant. Châtaigne dans les bois, se fende, se fende. Châtaigne dans les bois, se fendent sous les pas. La feuille d'automne, emportée par le vent, en ronde monotone, tombe en tourbillonnant. Nuage dans le ciel, s'étire, s'étire. Dans le ciel s'étire comme une aile. La feuille d'automne emportée par le vent, en ronde monotone, tombe en tourbillonne. Colchique dans les prés.